Bébé, je t'en prie, reste avec moi. Tu sais, j'ai vraiment tant besoin de toi pour construire ma vie. Tu sais, depuis que je ne suis plus avec toi, ma vie n'a plus goût, n'a rien. Tu sais, j'ai vraiment tant besoin de toi pour vivre mes rêves. Alors que sans toi, quand tu n'es pas là, la vie a un goût si amer que j'aimerais revenir en arrière, tu sais. Sans toi, je suis perdu dans ces grandes rues que je ne connais pas. Où est ton étoile qui veillait sur moi, qui brille dans le ciel, qui me montre le chemin, qui me mènera à toi? Oublie tous ces malheurs et cesse de t'en aller. Je sais que tu veux que je reste avec toi et je sais que t'as vraiment tant besoin de moi pour construire ta vie. Je sais que depuis que tu n'es plus avec moi, ta vie n'a plus goût, n'a rien. Je sais que t'as vraiment tant besoin de moi pour vivre tes rêves. Alors que sans moi, quand je suis pas là, ta vie a un goût si amer que t'aimerais revenir en arrière. Je sais que sans moi, tu es perdu dans ces grandes rues que tu ne connais pas et tu cherches mon étoile qui veillait sur toi, qui te montrait le chemin, qui brillait dans le ciel, qui te revenait vers moi. Tu sais, je ne veux plus de toi dans ma vie. J'ai bien réfléchi, toutes ces années de souffrance m'ont fait changer d'avis. Je me rendais malade chaque jour, je réunis en sachant que d'autres que moi te tournaient autour et qui te touchent comme moi je te touche. Je ne peux plus continuer ainsi, enfin bref, sur ces mots je te quitte. Je ne voulais pas que ça se finisse ainsi. Je voyais notre couple vivre toute notre vie. Je prends mes steps, un clic-clac et je me tire d'ici. Maintenant, aujourd'hui, ma vie se déroule sur un fil, loin de toi et de tous ces soucis de famille. Chaque jour, ma vie se reconstruit, je recherche les pièces du puzzle qui m'amènera vers mon avenir pour que je puisse enfin construire ma vie. Yeah. Aujourd'hui, le puzzle est construit, j'ai retrouvé l'amour, la souris, animé la flamme, celle qui mourait petit à petit, étouffée par ton âme. Je ne veux plus de toi dans ma vie, ainsi va la vie. Étouffée par ton âme. Sur ce, je n'ai plus qu'une chose à te dire. Au revoir, efface mon humain visage et vis ta vie. Je suis heureux aujourd'hui, loin de toi et de tous ces soucis de famille. Loin de toi et de tous ces soucis de famille. Avec elle, heureux nous sommes, en forêt à jamais. Ma flamme s'est éteinte pour toi et s'est rallumée pour elle. La femme de pique par mon cœur.